Famille de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Né en 1917, disparu en 1992, Jean Rouvet aura consacré sa vie à l'accès du plus grand nombre à la culture. Fils de paysan boulanger, instituteur avant de devenir haut fonctionnaire, militant de l'éducation populaire, administrateur du TNP auprès de Villars, créateur avec lui du Festival d'Avignon, plus tard aux côtés de Marcel Maréchal au Théâtre National de Marseille, Jean Rouvet fut, parmi les multiples rôles de sa carrière, l'un des acteurs majeurs de la décentralisation culturelle du temps de Malraux. À Jean Rouvet, on doit notamment la fondation en 1960 de la Discothèque Nationale qui, sur le modèle de ce qui se faisait déjà pour le livre et se pratiquait ailleurs, instituait le prêt de disques dans notre pays. En 1964, alors que Jean Rouvet était alors directeur du Centre National de Diffusion Culturelle, c'était pour son action en faveur du partage de la musique et plus largement de la culture par le disque que s'entretenait avec lui Guy Erisman dans le 8e épisode de la grande enquête qu'il menait sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Un épisode qui se terminait avec une magnifique conférence intitulée « De Molière à Giraudoux » donnée par Louis Jouvet à l'Université de Boston en 1951, dont l'enregistrement avait été gravé et publié sur disque. Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Nous recevons aujourd'hui Jean Rouvet, qui est fondateur de la Discothèque de France et qui est aujourd'hui directeur du Centre National de Diffusion Culturelle que l'on connaît sous le sigle CNDC. Parlons tout d'abord de la Discothèque de France, Jean Rouvet. Vous avez fondé cette discothèque. Comment vous est venue cette idée? Y avait-il des précédents? Oh oui, il y avait beaucoup de précédents. Ce n'est pas une idée à nous. J'étais... alors administrateur général du TNP avec l'équipe de Villars. Et nous avions vu des discothèques de près en Amérique, notamment dans une ville d'étudiants, dans une université, et nous n'y avions pas trop cru parce que nous avions nos discothèques personnelles et on ne voyait pas bien comment on peut prêter le disque micro-sillon. Enfin, je veux dire que ça nous faisait froid dans le dos. Et puis des tournées ultérieures en Angleterre et surtout, bien plus près de nous, en Belgique, nous ont montré qu'on pouvait prêter le micro-sillon. Effectivement, il existe là-bas une discothèque de prêt. Il existe une merveilleuse discothèque nationale de Belgique qui a maintenant un rayonnement extraordinaire. Son directeur, qui est un ami, qui est Jean Salquin, me disait l'autre jour qu'en 63, ils ont prêté 300 000 disques. C'est quelque chose pour la vie culturelle d'un pays. Écoutez, moi je suis collectionneur et rien que l'idée, la notion de prêt de disques micro-sillon me fait, pour reprendre une de vos expressions, froid dans le dos. Parce que vous êtes collectionneur, mais est-ce que on peut être aussi bibliophile, avoir de merveilleux bouquins et ne jamais les lire? Je sais que ça n'est pas votre cas pour les disques, mais le disque, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est un support qui n'est pas si beau, hormis la pochette lorsqu'elle est réussie. C'est une galette de cire noirâtre dont on sait bien que dans quelques années, elle va devenir ce que sont devenus nos rouleaux et nos 78 tours, que nous les mettrons à la poubelle parce que ce sera périmé. Donc c'est un support essentiellement périssable, essentiellement épisodique, et puis qui n'a pas beaucoup de valeur esthétique en soi. Un beau Rabelais bien relié, c'est un objet. Un disque, mon Dieu. Je voulais parler essentiellement de la fragilité, parce que l'objet étant fragile, même s'il n'a pas une valeur culturelle en tant qu'objet, c'est quand même une certaine valeur marchande et très périssable par-dessus le marché. Et comment faire pour exploiter une organisation comme une discothèque de prêt, justement? Oui, c'est une matière fragile, mais si nous réfléchissons un tout petit peu, pas à nos cas, nous sommes des amateurs de disques, mais quiconque, la veille de Noël, se décide à acheter un très bel enregistrement, l'écoute, enfin, je veux dire qu'il en entend 8 mesures chez le disquaire, sous une pointe de lecture qui, généralement, n'a plus de pointe de lecture que le nom. Il l'apporte chez lui, il l'offre, et on va l'écouter tout de suite. En le sortant des petits souliers, on va l'écouter une fois, deux fois. Et puis le lendemain, on va l'écouter encore une fois. Et puis 3 jours après, encore une fois. Et le dimanche suivant, bien sûr, une fois. Et puis dans le mois suivant, 2 fois. Et dans l'année suivante, 3 fois, 4 fois. Voilà un disque cher, comme vous savez, puisque je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur cette cherté du disque dans notre pays. Voilà un disque qu'on aura mis dans sa collection, dans sa bibliothèque de disques, qui n'a pas la valeur éternelle d'un livre que notre grand-père ou votre père avait déjà dans sa bibliothèque. Il sera bon à jeter à la poubelle un jour ou à servir d'objet rare pour un antiquaire. Et cet objet-là, il aura tourné 10 fois, 15 fois. Or, on nous apprend que si la pointe de lecture est en bon état, si on soigne bien ses disques, un enregistrement peut passer 200 fois sous la pointe de lecture sans subir de dommages appréciables. Il y a là quelque chose qui, personnellement, me choque beaucoup. Si on ajoute à cela que, hormis le collectionneur que vous êtes, c'est un cas tout à fait particulier, si on ajoute à cela qu'il y a une mode des interprétations, que, je ne veux pas faire de personnalité, mais certaines directions d'orchestre prestigieuses d'il y a 15 ans prêtent presque à rire maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi, et qu'on leur préfère très souvent des enregistrements et des directions d'être très jeunes, c'est bien porté, qui ne les valent pas toujours. Si on ajoute tout cela, si on se souvient encore que le prix du micro-sillon va faire que la discothèque de l'honnête homme, au bout de sa vie, elle va comporter, je dis de l'honnête homme, de celui qui a des besoins moyens, mais le goût très large. Qui a de l'esprit critique. Et de l'esprit critique. Elle va comporter 200 œuvres. Quel est l'honnête homme de notre époque qui accepterait d'avoir seulement 200 volumes dans sa bibliothèque? Si vous ne trouvez pas qu'il y a là, on a tellement coutume de comparer le disque au livre que nous-mêmes nous enfourchons ce dada, mais il y a des différences énormes. Au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas, sauf encore une fois, si l'on est un collectionneur, ou si l'on est un organisme qui a reçu pour mission de conserver le micro-sillon, est-ce qu'il ne faudrait pas acheter ce micro-sillon, cher comme il est, et lui donner, dans le temps, dans la durée d'utilisation qui lui est appartenue, qui est courte, lui donner une utilisation maximum, je veux dire le prêter à tous ses voisins, à tous ses amis, quitte à le recevoir avec une grande griffe, et puis lorsqu'il est usé, et je voudrais très tôt le casser sur son genou, est-ce que ça ne serait pas une attitude plus normale? J'admire la façon avec laquelle vous avez retourné mon argumentation. J'ai mis en cause l'opportunité des discothèques de prêt par la fragilité même du disque. Or, vous venez de retourner l'argument en me disant, justement, le disque est fugitif. Il ne mérite pas toujours qu'on le conserve. Il faut donc le posséder d'une manière également fugitive, donc le prêt. Et il est très cher. Et il est très cher. Ça veut dire que si vous tombez d'accord avec moi que ce micro-sillon, il faut le faire tourner beaucoup pendant que nous le possédons, et pendant qu'il a encore cours, et sur le plan technique, et sur le plan artistique. Si donc vous me suivez, je pense que la bonne manière de procéder, c'est de se mettre à 4, d'acheter chacun son micro-sillon, et de le faire tourner entre les 4. Mais 4 micro-sillons, ça ne va pas loin. C'est de se mettre à 10, et de faire tourner 10 micro-sillons. Vous voyez la suite, se mettre à 100 et de se mettre à 3000 ou à 4000, comme à la discothèque de France, car c'est là que nous en venons, n'est-ce pas? Bon, justement, pour fonder une discothèque, nous avons vu les aspects support, les aspects objet, les aspects circulation, mais quand même, il y a l'aspect culturel. C'est donc que vous êtes persuadé de la valeur du disque en tant qu'objet culturel, en tant que véhicule de matière culturelle. Oh, je n'en suis pas, Guy Ressman, je n'en suis pas persuadé. J'en suis pétri et j'en suis épouvanté. Alors là, pardon, mais je crois qu'il faut que je vous dise quelque chose que j'ai dans le cœur. Je crois que nous avons pondu un œuf si merveilleux, si étonnant, depuis surtout l'avènement du micro-sillon, depuis 52, que cet œuf nous éblouit tant que nous le caressons, mais que nous n'osons pas le gober. Le micro-sillon est une chose que je trouve, pour ma part, incroyablement heureuse, incroyablement bénéfique, et qui est très mal employée, très sous-employée. Enfin, nous qui sommes des amateurs de musique, pensez qu'une interprétation d'un auteur contemporain, qui va avoir lieu de l'autre côté de l'Atlantique, et qui ce soir-là, aura été particulièrement réussie. Pas parce que les micros étaient tout justement là, ils le sont pratiquement toujours. On l'aura pris ce soir-là. 2 mois plus tard, chez nous, nous l'aurons. Il aurait fallu se payer le voyage aller-retour à travers l'océan. Et puis il aurait fallu qu'il nous restât assez d'argent dans notre porte-monnaie pour être très bien placés. Or, nous ne sommes pas là très bien placés. Nous sommes placés tout justement à la place du roi. Il y en a une. Je veux dire, l'endroit où des gens qui s'appellent des ingénieurs du son, qui aident l'auteur à se faire entendre de la meilleure manière qui soit, nous avons fait en sorte que ce disque nous mette justement à cette place-là, où les graves et les aigus sont bien dosés, où les cuivres et les basses nous arrivent dans leur rapport exact. Je crois que personne ne se rend compte de cela. Oui, mais précisément, les détracteurs du disque de l'enregistrement en général vous diront effectivement l'auditeur du disque chez lui à la place du roi, mais il est seul. Or, la musique est un acte collectif, c'est une sorte de communion. Alors, y a-t-il là quelque chose vraiment d'irremplaçable ? Oh, c'est une sorte de communion, oui, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. C'est de toute manière une communion, comme toutes les techniques d'expression, entre celui qui donne et celui qui reçoit. S'il est bien évident que l'acte théâtral ne gagne pas à être joué pour une seule personne ou pour un tout petit groupe de personnes, il est de la même manière évident que l'orchestre symphonique ne gagne pas à être présenté à un tout petit nombre de personnes. Cela pourrait déjà être différent pour le soliste, pour le groupe de sonate ou pour la musique de chambre. Je ne veux pas dire que le micro-sillon que nous avons là, chez nous, disponible, qui est dans sa qualité, disons-le, si parfait, je ne veux pas dire qu'il remplace le concert, je ne veux pas dire qu'il va nous priver définitivement et nous faire oublier ce qu'apporte la vision, l'imperfection même de l'orchestre, les accords avant l'arrivée du chef, et tout cela qui fait partie d'un ensemble, qui fait partie d'un spectacle fort heureux. Je dis que, pour qui est sensible à l'acte musical, il a la possibilité chez lui, au moment qu'il a choisi, de retrouver une interprétation que je veux croire, sinon parfaite, du moins extrêmement prestigieuse, du chef-d'œuvre que justement il a envie d'entendre. Mais je trouve ça merveilleux, non ? C'est l'administrateur du TNP qui parle pour l'instant. C'est pas seulement l'administrateur du TNP, car l'administrateur du TNP aimait bien que la salle fût pleine devant le TNP, et au fond il se disait que lorsqu'on enregistrait le CID et qu'on le retrouvait chez soi, c'était une autre démarche. Non, je crois que c'est l'homme qui voudrait bien que le contact fût rétabli très, très, très largement entre le créateur et l'interprète et leur public. Que ce contact, j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons pour le rétablir et que celui-là, pardonnez-moi, est particulièrement bon. Précisément, je viens de citer le TNP car vous en étiez l'administrateur et combien efficace et combien brillant. Est-ce que ce sont les mêmes mobiles psychologiques qui vous ont incité à fonder la Discothèque de France? Oh oui, les mêmes, mais absolument les mêmes. D'ailleurs, vous savez, mes 9 ans de TNP m'ont déformé pour la vie et je ne vois pas bien ce que je pourrais faire. C'est une très bonne déformation. Ce que je pourrais faire désormais qui ne fut pas dans cette ligne-là. Oui, certainement. Vous savez, notre aventure avec les discobus, ces petites camionnettes que nous avons habillées de manière plaisante et qui vont, disons, faire du porte-à-porte en portant le disque. Nous voulons donner à penser que, à tous ces gens simples, que, après tout, l'achat d'un électrophone n'est pas une chose impossible, si onéreuse, et que le disque, justement, par le moyen du prêt, on peut l'écouter, disons, à relativement bon compte. Mais est-ce que je peux me permettre de dire, au passage, quelque chose d'énorme ? C'est que la discothèque, sur ce plan, n'a pas fait plus que les magasins à prix unique qui vendent du livre de poche et qui vendent les collections populaires de nos grandes marques. Et je trouve que ce sont des actions extrêmement concomitantes, pardonnez-moi. Précisément, je voudrais maintenant que nous pénétrions dans cette discothèque de France, par l'imagination. À quoi ressemble-t-elle ? Quelle est son organisation ? Comment se pratiquent les prêts ? Quels sont les pourcentages de dégâts ? Le nombre de disques ? Le nombre de prêts à la semaine ? Au moins, enfin, vous savez, toutes les statistiques habituelles. Très bien, mais cela, c'est très vite dit. La discothèque centrale est au Théâtre Marigny, dans un lieu charmant, dans ses jardins. Je dis la discothèque centrale, car il y en a d'autres. Il y en a maintenant dans toutes les maisons de culture qui s'ouvrent. Et ce n'est pas une petite joie pour nous de voir que maintenant, maintenant, on ne parle plus d'un ensemble culturel sans parler d'une discothèque de près. Mais pour revenir à la discothèque Marigny, qui est notre grande discothèque, que nous avons voulu plaisante, que nous avons voulu agréable, il s'agit, à première vue, cela ressemble à un très beau magasin, avec des disques dans des rayons, et puis des jeunes filles aimables. En réalité, si on s'approche et si on interroge, on s'aperçoit que c'est une association où tout le monde a son mot à dire, qu'on paie une cotisation, qu'il ne s'agit pas de louer les disques, qu'en devenant adhérent de la Discothèque de France, on devient l'un des possesseurs des 10 000 micro-sillons qui sont maintenant là-bas, qu'en étant possesseur, on va pouvoir en disposer, donc les emprunter, et que les empruntants, et en étant possesseur, on va y faire très attention. Et alors ça, c'est, disons, notre grande surprise depuis 4 ans, c'est qu'on n'y fait pas attention, on les choisit, peut-être plus que vous et moi choyons nos disques, puisque le pourcentage de détérioration, car nous tenons des statistiques très sérieuses sur ce plan, est inférieur à ce que font nos amis anglais, qui sont fort sérieux, comme vous savez, et même nos amis belges. Nous avons maintenant moins de 1% de détérioration. Et croyez-moi, lorsque je dis détérioration, cela veut dire tout, car nos vérificateurs ne laissent rien passer. La pointe de lecture qui a sauté une fois, ils le voient. L'arrêt automatique qui a fonctionné 3 sillons avant la fin, ils le voient. Et je n'ai pas besoin de dire que le diamant qui est comme une roue de brouette, ils le voient. Ils le voient d'autant plus que la vérification des pointes de lecture et leur passage au microscope est obligatoire tous les 3 mois. Eh bien, il y a là un certain nombre de milliers de personnes, quelques milliers de personnes qui, tous les jours, la discothèque est ouverte à des heures fonctionnelles, midi, 8h du soir, de façon à ce que ça englobe les heures des repas, les mêmes ouvertes dimanche matin, ce qui ne va pas sans inconvénient pour notre personnel. Et il y a quelques milliers de personnes qui ont pris l'habitude d'aller là, emprunter leur disque, et qui emportent dans leur cabas, j'ai envie de dire à côté de la bouteille de lait et du livre de poche, qui emportent leur pâture musicale pour la semaine. Alors, ça donne lieu à des dialogues fort amusants. Ils viennent en sachant fort bien ce qu'ils veulent, mais les plus avertis n'en ont que pour 6 mois. Et au bout de 6 mois, ils questionnent. Et nos discothécaires ne sont pas toujours assez fortes pour leur répondre, mais tout de même. Et nous nous sommes aperçus que, aisément, très aisément, nous pouvions amener très loin ces mélomanes. Ces adhérents sont des gens parfois aisés, parfois simples, parfois très simples. Ce sont des gens pour qui la haute fidélité a un sens. Ce sont des gens qui ont appris à respecter ce micro-sillon. Et ce sont des gens qui font des comparaisons, qui arrivent au bout de 2 ou 3 ans à emprunter des enregistrements différents d'une même œuvre et à faire des comparaisons extrêmement intéressantes. Ils viennent là pour 2 raisons. Les uns, disons-le nettement, parce que cela permet d'écouter des disques à moins cher, d'en écouter plus. Et d'écouter des disques qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, sont triés par avance. Mais nous sommes très éclectiques et plus d'une œuvre, je pense aux Brandebourgeois, je pense à des symphonies, et existent en 5, 6, 7 interprétations différentes. Car nous mettons un point d'honneur à avoir des disques japonais, des États-Unis, d'Israël, de Hongrie, qui ne paraissent pas normalement en France. Et cela se complique du fait que chacune de ces interprétations, nous devons nous poser la question de savoir s'il le faut en 1, 2, 3 ou 5 exemplaires. Vous voyez, c'est une petite comptabilité statistique un peu compliquée. Avez-vous fait des expériences, disons, sociologiques ou pédagogiques en suivant certains de vos abonnés, de vos clients, j'allais dire ? Je suppose que certains d'entre eux sont venus tout d'abord par curiosité, avec une toute petite culture musicale ou pas de culture musicale du tout, emprunter quelques disques. Et ensuite, je suppose qu'ils vous ont prié, vous et vos collaborateurs, de les aiguiller, de les conseiller, de les faire progresser. C'est toujours comme ça que ça se passe. On arrive et on demande les œuvres bateaux. Alors là, il y a dans la maison des histoires merveilleuses, il y a ce brave monsieur qui jette sa cotisation sur le comptoir et qui parle en haut, dit « Donnez-le-moi ce boléro de Ravel que j'ai entendu au régiment ». Ça commence comme cela. Ben, c'est un très très bon début. Et puis, il y a cet autre qui nous dit « Est-ce qu'il feuillette le catalogue comme quelqu'un de très averti, mais il ne l'était pas, vous allez le voir ?» Et il nous dit, il vient au comptoir, il dit à une de nos jeunes filles « Est-ce que vous avez des œuvres d'un compositeur qui s'appelle Bach ?» Bartok. Et il annonçait tellement qu'il était évident qu'il ne savait pas bien qui était Bartok. Alors on lui a montré que là, on était très fort, qu'il y en avait à plein rayon, qu'il y en avait 4 pages de catalogue. Eh bien, ce monsieur, je crois, ça a duré pendant 2 ans. Il a commencé au début du catalogue. Et avant d'écouter toute autre chose, je ne sais pas s'il avait une discothèque personnelle, j'ai tout lieu de penser que non, il a écouté tout Bartok. Eh bien, ça n'est pas un mauvais début. Précisément, vous venez de prononcer le mot catalogue, et dans une organisation de ce genre, le catalogue, c'est la clé de tout. C'est l'ordre, c'est la discipline. Comment précisément sélectionnez-vous les enregistrements qui garnissent vos rayons? Est-ce que vous achetez tout? Est-ce que, par exemple, quels sont vos rapports avec les éditeurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu au début une certaine méfiance? Oh, ça a été beaucoup plus qu'une méfiance. Soyons clairs, les choses sont passées maintenant et enterrées. Ça a été tragique. Les éditeurs... disons-le tout de suite, enfin les gros éditeurs, car les petits, je ne sais pas si ça tient à la grosseur, mais les petits ont été d'emblée très gentils. Mais les gros éditeurs nous ont dit, qu'est-ce que c'est? Une discothèque, du prêt, nos disquaires vont être mécontents, nous sommes contre le prêt. Nous leur avons dit qu'en, à la fin du 19e siècle, les bibliothèques de prêt avaient fait beaucoup pour le livre, nous leur avons raconté ça, point ni fille. Et nous avons eu beaucoup, beaucoup de mal, et je ne peux pas vous raconter ici les expédients que nous avons dû user pour nous procurer simplement et au prix coûtant les premiers 4510 de la collection. Ça a été un marathon incroyable à travers les disquaires de Paris. Et puis, nous sommes persévérants, nous sommes opiniâtres et passablement entêtés. Je sais, les choses ont perduré, et puis maintenant, les choses vont bien. Car les disquaires eux-mêmes se sont aperçus, et là nous avons usé d'une petite astuce toute simple, nous avions fait un accord avec un ou deux disquaires, on leur demandait, c'était rien du tout, 5% de ristourne pour les adhérents, c'était pas pour les 5%, dévoilons tout, puisque nous y sommes, c'était pour qu'ils voient arriver des petits bons qui étaient jaunes. Et chaque fois qu'ils voyaient arriver un petit bon qui était jaune, ils se disaient, tiens, on vient nous acheter un disque. Mais ils ne l'ont donc pas à la discothèque de France. Mais si, madame, ils l'ont bien. Ils l'ont même beaucoup, mais je l'ai déjà emprunté 3 fois. Et je ne peux pas l'emprunter toujours, je veux en emprunter d'autres. Alors celui-là, je veux l'avoir dans ma collection. Ou ils venaient acheter des pointes de lecture. Pourquoi venez-vous? Parce que la discothèque de France refuse notre pointe de lecture, qui est usée, ils viennent de la passer au microscope, ils ne nous donneront plus de disques. Ils venaient acheter des appareils. Pourquoi venez-vous acheter un appareil? Parce que voilà, au hasard d'une vérification, j'ai apporté mon appareil à la discothèque de France, on a pesé le bras et on s'est aperçu que c'était vraiment un modèle très ancien et que ça avait tout lieu de détériorer les microsillons. Je veux dire que sur ce plan-là, les choses se sont très bien rétablies. Et alors maintenant, cela va très bien. Les éditeurs ont compris, et je vous dirai tout à l'heure comment ça se fait par l'intermédiaire du CNDC, les éditeurs, lorsqu'ils pensent qu'un disque qu'ils éditent, ils en sont fiers, doit figurer dans les discothèques de prêt, on envoie un exemplaire au Centre National de Diffusion Culturelle qui, pour toutes les discothèques, l'étudie, le fiche, et ils sont sûrs qu'il se retrouvera dans les commandes que nous adresserons en leur nom à tous. En conclusion, cette discothèque de France qui, aux yeux des éditeurs, devait être un frein et, disons, l'ennemi, eh bien, c'est maintenant l'allié. Il fait connaître les disques. Ceux qui les ont aimés et qui veulent les posséder vont chez leur disquaire grâce à la discothèque de France. Donc la paix est faite maintenant. Oh, la paix est tout à fait faite. Bon. C'est une paix de bon intérêt réciproque. De bon intérêt réciproque, c'est la meilleure. Oui, c'est la meilleure, oui. Mais une question indiscrète et très très délicate. Est-ce que vous avez l'impression que certains de vos emprunteurs s'empressent de copier leurs disques sur un magnétophone? Oh, c'est la question. Je vais y répondre très à l'aise car nous avons fait des enquêtes très sérieuses. Voilà ce qui se passe. Il est vrai que lorsque un de nos adhérents devient mélomane, lorsqu'il a acheté sa bonne petite chaîne, lorsqu'il a emprunté ses disques, un jour, il a envie d'un magnétophone. Il achète un magnétophone et l'expérience prouve qu'il l'achète, autant il a payé sa chaîne très cher, il l'achète à prix moyen parce qu'il ne sait pas bien où ça va. Disons qu'il achète un magnétophone dans les 500 ou 600 francs. Il rentre chez lui, il fait ce que nous avons tous fait au début, il met le micro au milieu de la table au cours d'un repas, il ne comprend plus rien après, mais il se dit, sauf les bruits de fourchette sur l'assiette, vous connaissez ça, mais il se dit, c'est tout de même formidable. Et puis il se met à repérer les petits trous qui sont derrière son poste de radio ou qui sont derrière son électrophone, et il se met à copier du disque. Et il se dit, c'est formidable. Alors là, la discothèque de France prend encore pour lui une valeur supplémentaire. Nous avons eu un adhérent comme ça, qui était reporter dans le civil, et qui était très peu là d'ailleurs, et qui avait pris 5 cartes pour lui tout seul à la discothèque de France. On a dit, c'est beaucoup. Alors il nous a expliqué qu'il n'était pas là souvent, qu'il aimait écouter intensément, et il emportait les disques, et il les rapportait très vite. Notoirement, il n'avait pas eu le temps de les écouter. L'expérience prouve que ça ne dure jamais. Car recopier un disque, pardonnez-moi, mais vous le savez d'ailleurs mieux que moi, c'est un métier. Si le monsieur est mélomane, il a quelque oreille. S'il a quelque oreille, lorsqu'il réécoute son enregistrement, d'abord parce que le haut-parleur de son magnétophone est généralement terriblement petit, il est elliptique et il fait ses 12 ou 13 cm, il a quelque chose qui ne ressemble pas au disque. En plus, il a toujours tripoté un peu mal les boutons, il a trop de grave ou il a trop d'aigu. S'il enregistre sur 4 pistes, il se mêle les pieds dans les pistes. Pardonnez-moi, il ne s'y retrouve pas. Ah, mais c'est évident. Et s'il enregistre sur 2 pistes, il trouve que ça coûte, dans le fond, aussi cher que le micro-sillon. Alors, croyez-moi, il continuera peut-être à mettre le micro sur la table pour les baptêmes ou les communions, mais il n'enregistrera pas, il n'enregistrera plus systématiquement les disques de la Discothèque de France. Venons-en maintenant à ce Centre National de Diffusion Culturelle. Quelle est son origine? Est-ce vous qui l'avez fondé? Quel est son rôle? Le Centre National de Diffusion Culturelle est né de la volonté du quatrième plan, qui, en décidant de créer réellement ces maisons de la culture dont on parlait déjà depuis quelques mois au ministère d'État chargé des affaires culturelles, s'est soucié de l'échange de l'aliment culturel entre les maisons, comprenant bien que les maisons allaient avoir leur production propre, puisque les premières s'appuient sur des centres dramatiques notamment, mais qu'il allait falloir compléter et puis organiser ces échanges. Et il a souhaité la création d'un organisme, une manière d'agence, non lucrative, bien entendu, qui, sans rien perturber du marché du spectacle ou du marché des arts, quel qu'il soit, assouplirait les relations entre le créateur ou son interprète et le public. Il est bien évident, en effet, que certaines fêtes, certaines manifestations organisées par des groupements culturels qui, vous le savez, pullulent dans notre pays et qui ont une grosse importance pour la vie culturelle de ce pays, il est bien évident que les responsables de ces groupements, s'ils sont un peu provinciaux, s'ils sont éloignés de nos milieux, font des complexes terribles vis-à-vis des grands musiciens. Ils ne savent pas que pour un prix tout à fait raisonnable, ils peuvent s'offrir un très bon quatuor à cordes ou un duo de guitare animé par de grands artistes. Et cela, il faut leur dire, et le Centre de Diffusion Culturelle a été créé pour ce faire. Et quelle est la place du disque dans ce centre? La place du disque a été d'emblée prépondérante. Il est évident qu'on ne peut pas oublier l'aventure précédente lorsqu'on enchaîne les aventures. Et puis aussi, parce que, je vous l'ai dit, d'emblée, les maisons de la culture, les maisons de jeunes et tous organismes qui se créent demandent, inscrivent à leur programme quasi automatiquement une discothèque. Et la discothèque pilote, c'est la Discothèque de France. Bien sûr, la technique de la Discothèque de France, qui n'est pas son fait, comme je vous l'ai dit, qui a été prise partie en Amérique, partie en Angleterre, partie en Belgique, cette technique-là est, je pense, la plus au point dans notre pays concernant le prêt de disques. Il était normal que nous nous en servions. Et puis, il y a eu un autre point aussi, c'est que si l'État a acheté du matériel, du mobilier pour les bureaux du Maison de la Culture, il a des organismes, l'un qui s'appelle le SGAM, qui a codifié les matériels, et c'est très simple les acheter. S'il dit « je vais équiper dans l'année 4 discothèques de Maison de la Culture, je vais leur donner, c'est le chiffre habituel, 2000 disques pour commencer à chacune », il n'y a pas de norme pour commander 4 fois 2000 disques. Il faut, vous le savez, se tenir très au courant de l'actualité, savoir que tel enregistrement a remplacé tel autre, que tel autre est sorti du commerce, etc. Donc, le Centre National de Diffusion Culturelle est devenu très vite un groupement de choix, si vous voulez, et un groupement d'achat assez conséquent. Et nous avons la joie maintenant de voir que l'armée, pour ses foyers du soldat ou du marin, la coopération, c'est récent, pour ses foyers d'Afrique, s'adresse au Centre National de Diffusion Culturelle, à la fois pour établir le choix de ces disques, à la fois pour les commander avec toute la séquelle de petites opérations qui en découlent, ça veut dire la vérification au retour d'usine, le marquage à chaud, puisque tous ces disques sont personnalisés selon les discothèques, etc. Mais comment organisez-vous votre rayonnement? Le rayonnement, je dirais même qu'il est fonction des matériaux mêmes qui sont produits par le Centre National de Diffusion Culturelle, lequel travaille abondamment par fiche sur Paris. Par exemple, il choisit chaque mois 8 manifestations théâtrales, musicales, de variété, des expositions, et il les fiche, il établit des documents très précis, et il dit à ses correspondants, eh bien, à tout le moins, dans Paris, puisque vous avez la chance d'habiter Paris, dans Paris ce mois-ci, vous ne devez pas manquer ces 8 manifestations. Et c'est ainsi que nous avons amené un jour beaucoup trop de monde, d'ailleurs au gré de votre directeur qui ne savait plus où les mettre. Nous avons mis au nombre de ces manifestations la visite de la Maison de la Radio, parce que ça nous paraissait un témoignage d'architecture culturelle de notre temps. Et nous avions demandé à votre directeur général, mais aussi à l'architecte, de venir. Voilà pour Paris. Sur la province, nous diffusons d'autres fiches où nous attirons l'attention de toutes les collectivités, tous les groupements, sur le fait que le CNDC peut leur organiser une discothèque, qu'il peut leur organiser une bibliothèque, mais aussi sur telle manifestation qu'ils peuvent recevoir à tel prix. Et ils sont, lorsqu'ils ont fini de lire l'affiche, ils sont parfois tout stupéfaits de voir que ces prix ne sont pas du tout les prix qu'ils imaginaient et qu'ils peuvent, pardonnez-moi l'expression, se payer tel quatuor en renom. C'est très important. Est-ce que votre action s'étend au comité d'entreprise ? Oui, elle s'étend beaucoup au comité d'entreprise, qui nous demande généralement à les aiguiller vers ces manifestations parisiennes, mais qui nous demande aussi très souvent, puisque nous sommes particulièrement sur le plan du disque, à organiser leur discothèque. Alors là, nous nous retournons automatiquement vers un organisme technique qui est la Discothèque de France, laquelle Discothèque de France a un procédé très simple. Elle leur dit, avant d'organiser une discothèque, c'est quelque chose d'onéreux, c'est quelque chose de délicat, nous allons voir, nous allons sonder le terrain, et ils envoient un disque bus tous les 8 jours, qui généralement à l'heure du repas, prête les disques pendant un certain nombre de temps. Et puis on mesure l'appétit musical des gens, il est souvent très grand, et nous avons souvent d'excellentes surprises sur ce plan. Et puis, lorsque la démonstration est faite, le comité d'entreprise décide d'allouer une certaine somme à l'établissement d'une discothèque. Est-ce que vous avez une position qui, à mon avis, devrait être positive vis-à-vis des clubs de discophiles, en général des clubs d'amateurs, et vis-à-vis de l'écoute collective en général? Oh oui, nous avons une position. Et cette position nous est dictée par la demande. Vous ne pouvez imaginer le nombre de lettres, le nombre de coups de fil que nous recevons pour envoyer des jeunes, comment les appellerait-on, des animateurs de séances d'audition, que nous n'avons pas d'ailleurs la plupart du temps, pour telle usine, tel jour. Nous organisons, nous sur ce plan, nous, Centre National de Diffusion Culturelle, des expériences pilotes, par exemple chez Bulle récemment, où nous avons fait un voyage musical le long de la Seine qui était dirigé par Maurice Fleuret, qui est notre conseiller musical. Mais nous ne satisfaisons pas du tout la demande. Il est certain que le club d'audition est une des activités les plus immédiatement rentables, je parle bien sûr sur le plan culturel, pour un comité, pour une association. Et c'est si vrai que nous avons dû nous résoudre, et c'est difficile, alors là je reviens à la Discothèque de France, nous avons dû nous résoudre dans les maisons de jeunes, autour de la région parisienne, car ça se produit surtout dans les maisons de jeunes, à faire des dépôts de disques. Nous déposons 20 disques. Par 20 disques, je dis que c'est ennuyeux parce que ça nous prive de 20 disques, et s'il y en avait beaucoup, ça allégerait trop la collection centrale. Et il y a là un responsable qui, le soir, à une heure déterminée, passe des disques. Il ne les commente jamais. J'ai vu des grandes salles de maisons de jeunes où il commençait tout seul dans son coin, dans le brouhaha, au milieu des chocs de balles de ping-pong, sans s'occuper de personne. Et où petit à petit, tout s'arrêtait et les gens se retrouvaient autour de lui. Et je crois, vous parliez tout à l'heure de l'aspect collectif de l'émotion musicale, je crois que le disque peut être créateur de cette émotion. Et c'est pourquoi nous avons, je reviens sur le plan du CNDC, nous avons là un projet que nous n'avons pas inventé non plus. Nous l'avons pris à Prague. Je ne sais pas si vous connaissez à Prague le délicieux petit théâtre de la musique. Je connais fort bien le théâtre de la musique de Prague. C'est un endroit merveilleux. C'est une idée merveilleuse, avec moins de moyens, dans un lieu plus petit, dans notre sous-sol, dans notre cave de notre local de la rue du Renard. Nous sommes en train d'aménager un petit auditorium de 35 fauteuils, 35 très bons fauteuils, où, par tranche horaire ou quasi horaire, nous passerons les nouveautés, mais aussi déjà, car il y a déjà des incunables, on peut dire, de la musique enregistrée, et nous voudrions, voyez-vous, parce que nous pensons que nous ne pouvons pas, et ce serait une sottise de négliger les industries et les commerces de la culture. Il serait vain, il serait terriblement dangereux que des organismes comme le nôtre se mettent dans la tête de vouloir remplacer les industries et le commerce de la culture, qu'ils se mettent dans la tête de vouloir les amender, je crois que c'est bien. Je veux dire par là que si ce petit instrument, ce petit auditorium fonctionne comme nous le pensons, et nous avons tout lieu de penser qu'il fonctionnera bien avec une excellente installation, nous voudrions, sans retenue aucune, offrir aux marques du disque, les unes après les autres, des tranches horaires en leur disant « Vous avez des choses à présenter. Vous, vous allez les présenter. Et nous, nous allons vous amener les 35 animateurs que cela va intéresser, car ils ont une discothèque. » Ou les 35 rédacteurs de journaux de jeunes. Voyez-vous, il me semble que nous avons là un rôle de liaison à faire. Et alors, à ce moment-là, cette amitié qui naît entre l'industrie du disque et nous-mêmes, et elle est de bonne aloi, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'elle ira plus loin et qu'on comprendra que ce que nous voulons, ça n'est pas du tout tomber dans le péché d'édition. Nous ne sommes pas des éditeurs, ça n'est pas notre métier, nous n'avons pas à avoir d'usine de pressage, mais nous avons à faire en sorte que les éditeurs éditent plus, éditent mieux, et que le public écoute plus et écoute mieux. Vous avez répondu à une question que j'allais vous poser, et qui m'était venu tout naturellement à l'idée, car, étant donné l'étendue des débouchés, non seulement des discothèques de France, mais du CNDC, c'est-à-dire que vous rayonnez sur un certain nombre de collectivités, cela veut dire que le jour où vous recommandez ou vous sélectionnez un disque, il est immédiatement distribué à plusieurs centaines d'exemplaires, et évidemment, peut-être vous êtes-il venu à l'idée d'éditer vous-même. Non, pas. Ça, vous voulez échapper totalement non, à la pas. Tentation de l'édition. Ah, je crois. Ça n'est pas notre métier. Pourquoi est-ce que nous irions chercher les techniciens qui sont actuellement dans des maisons spécialisées pour faire ce travail? Non, je crois par contre que nous pourrions un jour, très gentiment, orienter le choix. Et pourquoi non si forcer le choix d'une grande firme en lui demandant de presser dans certaines conditions que nous jugerions optimales un enregistrement qui n'a pas été enregistré depuis longtemps. Et je pense qu'à ce moment-là, il serait normal de lui demander d'inscrire sur la pochette « enregistré à la demande d'eux ». Étant entendu que nous assurerions les fameux 1000 ou 1200 achats qui permettent la rentabilité d'un disque de production. Il y a eu, si je m'en souviens bien, après la guerre, une sorte de référendum dans le public pour désigner une œuvre qui n'était pas enregistrée et qui méritait de l'être. Et je crois que le référendum avait à ce moment-là désigné la pairie. Voyez-vous, c'est peut-être une idée à reprendre. Sûrement, mais sûrement, sûrement. Il y a dans toutes les œuvres de la fin du 19e et du début de ce siècle des choses que nous aimerions bien avoir en rayon. Et par contre, pour en revenir à l'expérience de Prague que j'ai moi-même vécue, est-ce que vous avez l'intention de répandre ce genre de spectacle à base de disques? Est-ce que ça pose des problèmes de droit, d'exécution? Oui. Évidemment, à Prague, on ne connaît pas. Oui, cela pose sûrement des problèmes de droit, mais vous savez, l'expérience m'a appris que ces problèmes de droit, on s'en fait toujours une montagne lorsque chacun, disons, des antagonistes est dans son bureau. Mais lorsqu'on se donne la peine de se mettre les deux parties dans le même bureau, au bout de quelque temps, on a trouvé une solution raisonnable pour tout le monde, car il est normal qu'on sauvegarde les droits des auteurs et des exécutants dans ce genre d'exécution. Merci Jean Rouvet de nous avoir ouvert tout grand votre cœur et aussi vos pensées et vos idées sur le destin du disque. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec vous, il sera bien défendu. Il y aurait peut-être plus à faire, voyez-vous. Je trouve bien que l'on fasse des grandes causes nationales, et ça passe par votre maison. Pour le café, je n'ai rien contre le café, au contraire, ou pour les sardines. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas attirer l'attention du public sur le côté merveilleux de cet instrument qui s'appelle le micro-sillon, sur son pouvoir d'évocation? Et si on lui dit qu'il existe des moyens pour le payer moins cher, est-ce qu'on ne lui rendrait pas un immense service culturel? Alors nous sommes donc pour une cause nationale du disque. Après l'enregistrement de cet entretien, notre conversation s'est poursuivie. Nous avons parlé de certains disques rares, de ces incunables, pour reprendre une expression de Jean Rouvet. Il est vrai que la valeur qu'on attache à une interprétation ou à une œuvre ne peut pas être évaluée avec les mots qui jaugent ordinairement la grandeur. Le cœur seul connaît ce langage. Jean Rouvet m'a cité un enregistrement déjà historique des Dichterliebe de Robert Schumann par deux artistes qui auront marqué la première moitié de notre siècle, Lotte Lehmann et Bruno Walter, ce grand chef d'orchestre que l'on trouve ici humblement et pieusement au piano. Nous allons donc écouter ensemble cet enregistrement dont la qualité technique, étant donné son âge, n'est pas exemplaire, mais rien ne peut ternir la beauté de cet album qui contient une somme unique d'amour et de poésie, où la ferveur et le sourire romantique sont présentés sous un jour idéal et irremplaçable. Tant de visages passent devant nous, Charlotte, Werther, Clara, Jean-Paul, Goethe, Heine, tant de visages qui ont fait rêver les hommes depuis 150 ans et continuent à les fasciner en dépit de tant de choses qui laisseraient croire que le romantisme est mort. Seule la façon d'être romantique évolue, mais le cœur garde ses facultés d'émotion, de tressaillement, et l'esprit, le pouvoir de rêver. Écoutons « Les amours du poète » Dichter Liebe, opus 48, poème de Henry Heine, musique de Robert Schumann, interprète Lotte Lehmann et Bruno Walter. Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie verklinget rauchen, ein Lied von der Liebste mein. Das Lied soll schauern und beben, wie der Kuss von ihrem Mund. Nicht. Und wenn das Herz aufbricht, ewig verlorenes Lied, ewig verlorenes Lied. Ich grolle nicht. Eine andere und hat sich mit dieser vermählt. erste beste Mann, der mir den Weg gelaufen, der Schöpfling ist überall dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie nur passiert, dem bricht das Herz in zwei. Ich freundlich. Blut auf weinen stürz ich mich zu deinen süßen Füßen. Du siehst mich an, wehmütiglich und schüttelst das blonde Köpfchen. Aus deinen Augen schleichen sich die Perlentränentröpfchen. Du sagst mir heimlich ein leises Wort und gibst mir den Strauß, den Strauß von Zypressen. Ich wache auf und der Strauß ist fort und das Wort hab ich vergessen. Aus alten Märchen winkt es hervor mit weißer Hand, da singt es und erklingt es von einem Zauberland, wo bunte Blumen blühen im goldenen Abendlicht und lieblich duften glühen mit bräutlichem Gesicht. Die müssen noch stärker sein. Dichterliebe, Les amours du poète, opus 48, poème de Henry Heine, musique de Robert Schumann, par Lotte Lehmann et Bruno Walter. Cet enregistrement a été choisi par Jean Rouvet. Mais je me suis souvenu du rôle que Jean Rouvet, qui est aujourd'hui directeur de la Discothèque de France et du Centre national de diffusion culturelle, joua il y a quelques années dans la fondation du Théâtre national populaire. J'aurais aimé vous faire entendre des enregistrements du TNP, mais nous avons eu l'occasion d'en diffuser hier à cette même heure. Toutefois, pour faire, malgré tout, la part égale dans cette émission au théâtre et à la musique, j'ai pensé qu'il était intéressant de vous faire entendre non pas une pièce ou un ensemble de scènes, mais la voix d'un grand homme de théâtre dans un texte sur le théâtre. Peu de temps avant sa mort, en 1951, Louis Jouvet se trouvait aux États-Unis. À l'université de Boston, il prononça une conférence sur l'art qui était le sien. Voici cette conférence. Elle est intitulée « De Molière à Giraudoux ». Et nous l'entendrons grâce à un enregistrement aujourd'hui commercialisé et qui provient des archives du service phonographique de l'ORTF. Je n'en dirai pas plus. Aucune entrée en matière ne s'impose là où Jouvet, dès ses premiers mots, fascine son auditoire. Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est. Il y a la scène et la salle. Tout est enclos, les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangées les uns derrière les autres, regardant. Ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. Je les regarde, et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée.